Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1, toujours à l'écoute de Futur Simple. On a commencé l'émission avec le plan Nord et c'est aussi au Nord que nous la terminerons. Donc de tous les endroits de la Terre, les pôles sont les plus sensibles aux variations, en tout cas sont très sensibles aux variations climatiques. Et d'ailleurs, selon le groupe international sur l'évolution du climat, le GIEC, la tendance du réchauffement actuel devrait se poursuivre dans les prochaines décennies, alors que l'Arctique pourrait connaître des changements très importants. Donc pour comprendre comment le climat change, c'est assez important d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans le passé, donc d'explorer le passé climatique. Et François Lapointe de l'INRS vient nous expliquer l'étude des changements climatiques du passé, qui s'appelle la paléoclimatologie. Donc paléoclimatologie. Bonjour François. Bonjour. Décortique-nous un petit peu ce que c'est la paléoclimatologie. Oui, la paléoclimatologie, c'est l'étude du climat avant la période des mesures instrumentales. Ah. Donc, c'est ça. Avant qu'on ait des données, c'est ça? Oui, avant la présence de stations météorologiques. Il n'y a pas forcément besoin de remonter jusqu'aux dinosaures. Non, pas forcément. Donc, qu'est-ce que vous utilisez comme ça pour déchiffrer le climat du passé? Oui, on peut utiliser plusieurs archives naturelles, comme les carottes de sédiments lacus, marines, les carottes de glace, les cendres d'arbres. Bref, un peu tout ce qui peut réagir face aux variations du climat. Mm-hmm. Pour nous autres, à l'INRS, dans notre laboratoire, on utilise surtout les sédiments qui sont annuellement laminés, des lacs en Arctique. Ouais. Annuellement laminés, il y a un synonyme à ça, c'est les varfs, si on peut. D'accord. Donc, ça veut dire, tu vas nous l'expliquer peut-être? Oui, c'est ça. Comme vous savez sûrement, en Arctique, il y a vraiment un fort contraste saisonnier. Donc, l'hiver, il fait noir 24 heures sur 24. Il fait très froid, ce qui fait en sorte que les lacs sont recouverts d'une couche de glace qui peut mesurer jusqu'à 2 à 3 mètres d'épaisseur. Mm-hmm. Donc, ça favorise les particules très fines d'argile à décanter dans le fond, ouais. Puis former une couche ouais. Qui est hivernale. Mm-hmm. Tandis que l'été, il va faire plus chaud, il va faire soleil 24 heures sur 24. Donc, la couche de glace qui recouvre les lacs va disparaître. Ouais. Puis les bassins versants vont amener des sédiments plus grossiers dans le fond du lac. Okay. Ou les pluies, ça peut être des glissements de terrain. Plusieurs... Finalement, ça bouge plus, il y a plus d'agitation, de mouvement dans l'eau à cause ouais. des pluies, etc. Exactement. Du ruissellement. Donc ça amène plus. Les sédiments sont plus gros. C'est ça, sont D'accord. plus grossiers. Puis on peut distinguer ces couches-là, puis compter de façon annuelle toutes les années qu'on peut, on peut remonter jusqu'à 4000 ans mm-hmm. si on est chanceux. Mais comment on fait pour être sûr que chaque couche est vraiment annuelle? Ouais, on utilise, par exemple, sur les premiers 10 cm d'une carotte, ce qui représente normalement au moins les 100 premières années. On va prélever des échantillons sur un intervalle d'à peu près 0,5 cm. Mm-hmm. Des sédiments pour calculer les concentrations en césium-137. Ouais. C'est un radionucléide qui est d'origine anthropique, donc émis par l'homme, qui provient des retombées mondiales des essais d'armes nucléaires pendant la guerre froide. Ah, d'accord. Ouais. Puis, l'année 1963, c'est l'année où ce que les retombées ont été maximales. Mm-hmm. Puis, dans la même année, il y a eu le traité de Moscou, qui a fait en sorte qu'une interdiction planétaire de faire ces essais-là. Donc, ouais. on a un signal du césium-137 qui diminue drastiquement après donc, ça. Donc, il y a un repère temporel là, avec... Exactement. D'accord. Donc, on va pouvoir, avec notre comptage, si ça corrobore avec le pic de césium-137, mm-hmm. l'année 1963, on va être très content. Ben oui, ouais. D'accord. Donc là, vous, finalement, en faisant... vous reconstituez le climat à partir de ces archives des couches, là, que vous regardez les couches, et ça vous permet ouais. de reconstituer le climat? Oui, on va regarder les couches récentes, ouais. puis on va les comparer, la dépendance, avec les données de météo qui sont disponibles à proximité du site d'étude. Donc, par exemple, si on a des données de météo de 1950 à 2000, on va comparer les données qui proviennent de nos varves pour les mêmes années. Si on a une bonne relation, on va pouvoir remonter dans le temps et quantifier mm-hmm. les années avant la prise de données météorologiques. Mm-hmm. D'accord. Donc, on regarde ce qui se passe en ce moment ouais. dans les années où on a des données. Mm-hmm. Et si on trouve des corrélations, on cherche des corrélations entre la forme des couches, la constitution, la composition des couches ouais. avec les données météorologiques. Et une fois qu'on a établi ces données, ces corrélations, on remonte dans le passé. et on reconstitue le climat du passé. Exactement. D'accord, intéressant. Puis, Donc, vous avez pu remonter comme ça dans le passé? Ouais. Ben, en fait, on a examiné les couches au microscope électronique à balayage. Mm-hmm. Puis, justement, notre dernière publication, en juin 2012 dernier, a porté sur un lac au nord-ouest de l'Arctique, sur l'île Melville. Donc, on a pu démontrer une très forte corrélation, en fait, l'une des meilleures dans l'Arctique, entre les événements de fortes pluies et l'accumulation de grains très grossiers dans le fond du lac. Mm-hmm. D'accord, ouais. D'accord. Donc là, il y a cette corrélation. Et là, à partir de ça, vous avez pu reconstituer le climat du passé? Oui. On a pu donc reconstituer les 2000 dernières années qui montrent que les pluies étaient relativement faibles pour la majorité de l'enregistrement avant le 20e siècle. Mais mm-hmm. précisément vers 1920 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une augmentation sans précédent des épisodes de fortes pluies. Ah. Dans cette région-là. Ouais. Il y a aussi une autre période vers 1100 après Jésus-Christ où ce qu'on observe aussi un petit pic des fortes pluies, mais c'est pas comparable au 20e siècle. Cette période-là pourrait être correspondre au réchauffement médiéval, mais ça reste à prouver d'accord. parce que ça a été très pas synchrone de différentes régions à l'autre. Ouais, puis souvent quand on parle au niveau médiéval, on dit des fois qu'il y a eu au contraire un petit air glaciaire. Donc là, c'est un autre phénomène. Ouais, ça c'est suite à la période médiévale. Ah, dans okay, la littérature, il y a eu une petite âge glaciaire. Ouais. Donc si on en revient au temps présent, est-ce qu'on observe des fortes pluies dans le nord ces dernières années? Ben c'est ça. En mai dernier, on était sur l'île d'Ellesmere. Je ne sais pas si vous savez si... C'est pas mal au nord. Hein? C'est pas mal au nord. C'est à côté du Groenland. Puis, en fin mai, il y a eu vraiment deux bons épisodes, deux grosses pluies, ce qui est assez rare là, selon les données météo. Puis, un fait intéressant, c'est qu'on sait que cet été-là, la surface du Groenland a fondu. Là, je dis bien la surface, là, pas tout le glacier. Ouais, ouais. À 97%, selon les données de la NASA, le 12 juillet 2012. Mm-hmm. Donc, la NASA qui explique cette fonte par plusieurs épisodes de masse atmosphérique chaude venant du sud qui ont monté jusqu'au Groenland à partir de la fin mai. Donc, dans le fond, on a été témoin de ce courant d'air chaud-là. Mm-hmm. Puis, c'était vraiment assez étonnant de voir des nuages... de type cumulus en Arctique. Là, Donc, les nuages qui bourgeonnent, là, c'est pas fréquent en Arctique. Assez ça? Bas, puis saturé en eau. Aussi, un parallèle à ça, en 2010, lors de mon premier voyage en Arctique, le mois de juin a été particulièrement chaud. On a enregistré des températures de plus de 15 degrés pendant une semaine. Puis, la dernière journée... c'était fin juin, début juillet. J'étais à Resolute Bay, ça c'est en plein milieu de l'Arctique. Puis j'étais assez stupéfait de voir le thermomètre à 24 degrés Celsius. 24 degrés, il faisait peut-être plus chaud qu'à Québec. Probablement, en fait. Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc là, en étudiant le climat passé, on comprend mieux les changements actuels, finalement. Mm-hmm. Et donc, il pleut davantage, la température monte aussi, puis tu as pu constater de visu. Et j'imagine que la glace fond. Oui, c'est un peu cause à effet, là. Une augmentation de la température, ça va contribuer à la diminution de la glace de mer, ce qui augmente l'évaporation et donc les précipitations. Jusqu'à présent, c'est surtout la glace de mer qui perd son volume de façon assez rapide. Donc, depuis la prise des données satellitaires dans les années 70, il y a une très grande diminution de la glace marine épaisse. Je pense que je t'ai envoyé le vidéo de l'évolution. Oui, on pourra le mettre sur la page. Sur la page, oui. Donc, on voit que la glace qui est très épaisse, qui prend des années, voire des décennies à se former, est progressivement, excusez-moi l'expression, flushée dans le détroit de Fram, ce qui est entre le Groenland et Svalbard, là, un archipel de la Norvège. Donc, c'est un peu préoccupant dans le sens où la mer, qui est beaucoup plus sombre que la glace, ça va emmagasiner beaucoup plus de chaleur, tandis que la glace... Elle a réfléchi avec ses surfaces plus blanchâtres, réfléchi les rayons du soleil. Donc, ça va réchauffer davantage les zones arctiques. D'autant plus qu'on s'imagine que les gaz à effet de serre vont augmenter. Ça va emballer le système davantage. C'est ça. Mais cela dit, la fonte de la glace marine va avoir peu d'impact sur l'élévation du niveau marin, parce que c'est comme une glace dans un verre d'eau. Donc, c'est le même volume approximativement. Mais en revanche, il faudra regarder attentivement le comportement du Groenland, qui est la deuxième plus grande masse de glace continentale de la planète, après l'Antarctique, bien sûr. Puis donc, j'imagine que la fonte partielle ou totale de la glace du Groenland, elle, par contre, elle engendrerait une hausse du niveau des mers. Oui, ça, c'est sûr. Puis, ce qui est quand même un peu préoccupant, c'est que la majeure partie de la population mondiale vit sur les côtes. Donc, on s'imagine que soit que on va prendre ces gens-là, on va les mettre dans les terres plus loin, où on va dépenser des milliards de dollars. Là, tu parlais aussi tout à l'heure de masse d'air chaud au-dessus de l'Arctique. Donc, tu voyais ces gros nuages-là. Ça me fait penser à l'ouragan Sandy qui est remonté jusqu'à New York. Donc, ce sera peut-être pas le dernier non plus des ouragans tropicaux à se transformer en tempête. En tout cas, de nos climats à nous, là, de nos latitudes à nous. Ouais, je pense que tu as raison. Ce ne sera probablement pas la dernière fois que ça va arriver. Avec l'augmentation de la température de l'eau de mer dans l'Atlantique Nord, l'évolution des ouragans va probablement, sans doute, se rendre plus au nord, comme on a vu pour New York. Donc, Donc voilà finalement un plongeon dans les lacs de l'Arctique qui nous permet de mieux appréhender les changements climatiques actuels. C'est ça. Donc, merci beaucoup François. Donc je rappelle François que tu es toi aussi étudiant à l'INRS. Oui. Oui, d'accord. Donc voilà.